ils disent que c'est comme un mal de ventre. C'est un mal de ventre. Va à la toilette, tu restes avec ton mal de ventre, tu restes avec ton mal de ventre pendant des heures de temps. Va à la toilette. Il faut que ça soit libéré, la vibration. On ne comprend pas les lois vibratoires. Quand on a une vibration à nous autres, il faut qu'elle soit placée, cette vibration-là. Aussitôt qu'il y a une vibration, il faut qu'elle soit tassée, il faut qu'elle soit cataloguée, il faut qu'elle soit su, il faut qu'elle soit vécue, cette vibration-là. Après ça, t'as la peine. Mais non. Parce que t'es débalancé, tes corps sont débalancés, l'extérieur rentre dans l'intérieur, puis les corps vivent. Parce qu'il y a trop d'intérieur. Mais quand t'as plus d'intérieur, la vibration passe pas. Quand tu sais, ben, quand tu sais que tu l'as su, une fois que c'est su, c'est passé, une fois que c'est passé, ça t'a rien plus quand c'est passé.